Je fais le tour de chaque boîte, je sers une tasse de chaque race. Reconnaissant, me souviens de chaque passe. Rancunier, me souviens de chaque race. T'as un gros, tu mets ta poids de classe. Je fais le cash, je suis jackass. On parle pas de si font pas de clash. On parle pas de si font pas de clash. Soir, je fais le tour de chaque boîte, je sers une tasse de chaque race. Reconnaissant, me souviens de chaque passe. Rancunier, me souviens de chaque race. T'as un gros, tu mets ta poids de classe. Je fais le cash, je suis jackass. On parle pas de si font pas de clash. On parle pas de si font pas de clash. Qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse. Qui te baisse, j'ai grandi sur du démo once, parlais de mon passé malhonnête. T'as commencé la bière, ton mac, moi, ton âge, j'étais au head. On part des grosses chaînes, on baisse des grosses chiennes. Que tu viens du Bronx ou de Saint-Etienne, fais pas des tiennes. J'allais embarquer trois latinas, les gants ont googlé mon zebla. Le cours de l'art, ce n'est qu'à exploser. Ça m'a coûté 10 bouteilles de rosé. Aucune bien sortie en gros, c'est MQTB bande à dossier. Elle a mes enfants dans le gosier. Sur tout le rap français, j'ai des dossiers. Je la rappelle plus à la grossie. Pareil, c'est loin et moi aussi. Si en brouille, on négocie. Bah, t'as pas de quoi nourrir un tamagoshi. J't'en up dans ton cave ici, je te donne l'heure, tu perds la vue. Turn up dans ton cave ici, je te donne l'heure, tu perds la vue. Prends mon rico, char, pépito, dame et une bécite au but. Qui font dans la snake à l'inde, or je forge mes droits au but. Je fais chauffer les barils, car là je pêche, je fais des push-ups. Nouveau Bentley, je vais pull-up, t'as toujours un maton sans sa culotte. Soir, je fais le tour de chaque boîte, je sers une tasse de chaque race. Reconnaissant, me souviens de chaque passe. Rancunier, me souviens de chaque race. T'as un gros, tu mets ta poids de classe. Je fais le cash, je suis jackass. On parle pas de si font pas de clash. On parle pas de si font pas de clash. Soir, je fais le tour de chaque boîte. J'sers une tasse de chaque race. Reconnaissant, me souviens de chaque passe. Rancunier, me souviens de chaque race. T'as un gros, tu mets ta boîte classe. J'fais le cash, je suis jackass. On parle pas de siphon, pas de clash. On parle pas de siphon, pas de clash. Qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse. J'veux juste savoir, mais qui te baisse. J'veux juste savoir, mais qui te baisse. Yeah. Les verres sont fumés pour cacher les cernes. Eau de feu pour enflammer les ailes. Je prends le pouvoir à la boum et tienne. J'ai vous dire et je suis prêt pour les gains. Chaque jour je prie pour que Dieu m'apaise. Chaque jour elle me supplie pour que je la baisse. Le chassé du gauche et de Yaoundé. La pointe du droit et sénégalaise. Pose le casa dans le jeu baiser. Pose le casa dans le jeu baiser. Sous acte enculé plein de baiser. J'en pointe rien quand je vais creuser baiser. Je suis plus sage les grammes que Bella Hadid. Tu game en trône t'es comme une paradis. Tendre la main à tes bras cassés. C'est prendre les risques de choper leur maladie. Mon but c'est de la mettre à l'abri. Donc depuis si je rentre pas faire la mif. Pour les losages, mon acabit. Toi, tiens un bon fond, mais tout est relatif. Ces rappeurs sont pétés, c'est sidérant. L'argent, c'est rien qu'un problème différent. Peur de Dieu comme Jerry Lorenzo. Je me rappelle même plus où je vole les skios. Soir, je fais le tour de chaque boîte. Je sers une tasse de chaque race. Reconnaissant, me souviens de chaque passe. Rancunier, me souviens de chaque race. T'as un gros, tu mets ta poids de classe. Je fais le cash, je suis jackass. On parle pas de si font pas de clash. On parle pas de si font pas de clash. Soir, je fais le tour de chaque boîte. Je sers une tasse de chaque race. Reconnaissant, me souviens de chaque passe. Rancunier, me souviens de chaque race. T'as un gros, tu mets ta poids de classe. Je fais le cash, je suis jackass. On parle pas de si font pas de clash. On parle pas de si font pas de clash. Qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse, qui te baisse. Je veux juste savoir mais qui te baisse. Je veux juste savoir mais qui te baisse.